إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est maintenant au cours numéro 11 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc on est toujours dans le point numéro 3, dans la troisième partie, dans l'explication du troisième point de cette troisième partie de l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. On a mentionné dans le dernier point que, non, plutôt on est dans la deuxième partie, je m'excuse, troisième point de la deuxième partie. Donc on est, comme je disais, on est dans la deuxième partie depuis l'introduction, et on a expliqué maintenant le troisième point à ce sujet-là, c'était la question de al-wala wal-bara. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Donc celui qui a obéi à Allah et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il n'est pas permis pour lui d'aimer celui qui oppose Allah et son messager, fût-il le plus proche d'entre ses proches. On a mentionné le verset que le Cheikh a cité comme preuve à ce sujet-là. Hein? Et la preuve qu'il a citée, c'était le verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est capable de citer ce verset? Est-ce que par exemple vous l'avez mémorisé en arabe? Surat Al-Mujadala, le verset 22. En fait, c'est le dernier verset dans la Surat Al-Mujadala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit là, tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi al-akhiri wa duna man hadda Allah wa rasulah wa kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Donc ça c'est le verset 22, ça c'est la preuve que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné comme preuve pour expliquer qu'on n'a pas le droit d'aimer toute personne qui oppose Allah et son messager. Et ça c'est important de le mémoriser, ce verset, de le connaître et de le comprendre, parce que c'est une des preuves au sujet de Al-Wala wal-Bara, d'accord? Et surtout à notre époque, on vit à une époque où les gens sont ignorants de l'islam. On vit à une époque où les gens mélangent le vrai et le faux. Et quand on leur parle de ces sujets-là, il y en a beaucoup d'entre les musulmans qui sont influencés par des idéologies, alaykoum salam wa rahmatullah, par des idéologies qui sont contraires au Coran et à la Sunna dans ces questions-là. Surtout au sujet de Al-Wala wal-Bara. Il y en a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui vont essayer de vous faire croire que, en tant que musulman, on doit aimer tout le monde. On ne doit détester personne. Et qu'on ne fait pas de distinction entre les gens par rapport à la croyance religieuse ou à la religion ou à la foi ou des choses de ce genre. Donc il faut avoir les arguments, il faut savoir les versets et les hadiths pour être capable de leur répondre et de leur montrer que ce qu'ils prétendent est contraire au texte du Coran et de la Sunna. Et parmi les preuves, donc, non je ne l'ai pas allumé, je l'ai allumé après, oui. Donc parmi les preuves qui sont mentionnées, il y a ce verset-là qui est le verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Et là, le Cheikh, il est toujours. On a expliqué donc dans le dernier cours ce verset. Qu'est-ce que ça signifie, les différentes parties du verset, du début jusqu'à la fin. Maintenant, on arrive à expliquer que dans la question de Al-Wala wal-Bara, il y a différentes conditions par contre. Il y a différentes exceptions aussi à cette règle générale. Hein, la règle générale, c'est que... Salam alaykoum wa rahmatullah. La règle générale, c'est qu'on doit détester toute personne qui s'oppose à Allah et à son messager. Peu importe sa religion. Du moment que c'est des kuffars. Toutefois, il y a des règles, il y a des exceptions à cette règle générale-là, dans le sens que même si on doit les détester, il y a des façons quand même d'agir. Dans certains cas, il y a des certaines choses qui sont permises envers les kuffars, il y a certaines choses qui sont interdites. Il faut savoir où trancher la ligne et où tracer cette ligne qui délimite entre ce qui est permis et ce qui est interdit par rapport aux kuffars. Puisqu'on les déteste, hein, comment on doit montrer cette haine? Et c'est quoi les limites de cette haine et comment on doit le manifester? Parce qu'à ce sujet-là, il y a des extrêmes. Il y a les gens qui vont dans l'extrême, dans le sens qu'ils disent, non, on déteste tous les koufars, dans le sens qu'on ne doit même pas leur parler, on ne doit pas avoir aucune relation avec eux, d'aucune sorte, c'est-à-dire ni économique, ni diplomatique, ni rien. Il doit y avoir entre nous et les koufars que la guerre et la haine. Et c'est-à-dire qu'on doit les tuer. On ne doit pas les permettre de vivre, hein, ou des choses de ce genre. Il y a cet extrême-là. Et ils disent que tout pays musulman qui a une entente de paix avec des koufars ou qui font du commerce avec des koufars, ce sont des hypocrites, ou ce sont des apostats, ou ils sont en dehors de l'islam. Hein? Il y a cette tendance-là chez des jeunes qui ont cette mentalité-là, chez des musulmans qui sont ignorants et qui ne retournent pas au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs salih. Donc ils tombent dans cet extrémisme. Et il y a l'autre extrême. Parmi la tendance de certains groupes islamiques aujourd'hui, parmi les soufis et d'autres, qui disent maintenant qu'il faut aimer tout le monde. Il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman. On est tous des êtres humains, égaux, et il faut tous s'aimer sans faire de distinction entre le croyant et le non-croyant. Hein? Et que l'islam, c'est la religion de l'amour et la religion de la paix, et ainsi de suite. Ouais, on va le mettre après. D'accord? Donc, à cause de ces idées-là, maintenant, ils tombent dans un autre extrême. Hein? Puisqu'ils contredisent les versets du Coran et de la Sunna, eux aussi. Et les gens d'Ahle Sunna wal Jama'a, qui suivent la voie des salafs, eux sont entre ces deux extrêmes-là. Ils ne vont pas tomber dans un extrême qui appelle à transgresser contre les koufars et à ne pas rendre licite ce qui est licite, et rendre illicite ce qui est illicite, c'est-à-dire de permettre ce qui est permis parmi les formes d'interaction que Allah a permis dans le Coran et dans la Sunna avec les koufars, et qui ne vont pas tomber dans l'autre extrême, des gens qui sont tombés dans le laxisme et qui ont rendu permis ce qui est haram, ou ce même parfois ce qui est kufr. Hein? Donc c'est important de connaître ces choses-là. Donc le shaykh il dit « فهذه المسألة تتعلق بعداوات الكفار وعدم موالاتهم » وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية بل يستثنى من ذلك أمور الأول أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله يهديهم فإن استجابوا فإن لم يستجيبوا فإن نقاتلهم مع القدرة فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صاغرون ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه ولكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس أو كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. Donc le cheikh il explique le premier point. Il dit premièrement qu'il y a des questions, en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec notre animosité envers les koufars et le fait qu'on ne doit pas les aimer par rapport à la religion, ça n'implique pas qu'on doit les couper dans tous les aspects de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de la vie d'ici-bas, de la dunya, dans lesquels on a le droit d'interagir avec eux et de faire des ententes avec eux, de faire du commerce avec eux ou des choses de ce genre. Donc il faut bien comprendre ces règles-là et ces conditions-là. Donc premièrement, parmi les choses qui sont permises dans l'islam par rapport aux kuffar et qui sont même parfois obligatoires, c'est que malgré le fait qu'on doit détester ces gens-là par rapport à leurs fausses croyances, par rapport à leur shirk, l'idolâtrie qu'ils ont et leur mécréance, il est obligatoire pour nous de les inviter à Allah, de les inviter à croire en Allah et de croire en l'islam et au tawhid, et d'abandonner leur shirk et leurs idolâtries qu'ils pratiquent. Donc on doit les inviter à Allah, on ne doit pas les abandonner, dire « Ah, les koufars, ils restent dans leur mécréance, ce sont nos ennemis, ce sont les ennemis d'Allah ». Non, il faut qu'on les invite à l'islam, il faut qu'on les appelle à devenir musulmans, à rentrer dans la foi. D'accord ? Donc le shirk, ça c'est le premier point. C'est obligatoire pour nous de les inviter à Allah pour que Allah les guide. S'ils ne répondent pas à l'appel par la suite et que les musulmans ont la capacité, dans ce cas-là, les musulmans ont le devoir de les combattre jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, ou bien qu'ils, s'ils ne veulent pas accepter l'islam, ils paient la jizya, sinon on les combat. Comme ça a été expliqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des sahaba, hein, une armée avec des sahaba, il disait, la première chose que tu dois faire lorsque tu arrives chez les mouchriquines, c'est les appeler à Allah, les appeler à l'islam. S'ils acceptent l'islam, alhamdoulilah, il n'y a plus de combat. Hein? Mais s'ils refusent l'islam, là maintenant tu dois les appeler à payer la jizya. Hein? C'est une somme d'argent que les riches d'entre eux doivent payer, ou bien que ceux d'entre eux qui sont capables, ils doivent le payer. C'est comme une sorte de punition, une taxe de capitation qu'ils doivent payer. Comme c'est mentionné dans le verset 29 dans sourate Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça. Il dit hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Hein? Donc s'ils refusent de payer la jizya, là dans ce cas-là c'est le combat. Hein? C'est ça qui est expliqué. Donc ça c'est quand les musulmans ont la force. Actuellement les musulmans sont faibles militairement, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la force, donc ils ne sont pas aptes à établir ces règles-là. Mais si on avait la force et la capacité, ce serait ça qui serait obligatoire pour les musulmans. Et c'est bien entendu, c'est les dirigeants musulmans et les chefs des états musulmans qui décident quand on attaque, quand on combat et quand on ne combat pas. C'est eux qui prennent la décision, c'est eux qui gèrent les armées et c'est eux qui dirigent ces choses-là. Et c'est eux qui prennent ces décisions-là, c'est eux qui font les ententes internationales avec les autres états et les autres pays et qui décide quand on entre en guerre ou quand on est en paix. D'accord ? Donc on s'en remet à eux par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent ces décisions-là, c'est pas le commun d'entre les individus parmi les musulmans. Le cheikh, il dit ensuite, donc, c'est ça, s'ils rentrent dans l'islam, ça va, sinon ils doivent payer la jizya, si ce sont des juifs ou des chrétiens ou des majus, ils payent la jizya tout en s'étant humiliés eux-mêmes, hein, et ils se soumettent au jugement de l'islam, hein, mais on les laisse par la suite, une fois qu'ils ont accepté de payer la jizya, on les laisse pratiquer leur fausse religion tant qu'ils respectent les conditions qu'ils ont prises avec les musulmans. Et il dit, à condition bien sûr qu'ils payent la jizya et qu'ils se soumettent au jugement de l'islam et au pouvoir de l'islam. Ça, c'est dans le cas où ils sont des juifs, chrétiens ou majus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris deux de ces groupes-là, il a pris la jizya. Tandis que les autres groupes, en dehors des juifs, des chrétiens et des majus, il y a une divergence entre les savants. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre la jizya des autres qui ne sont pas juifs, ni chrétiens, ni majus, oui ou non? Il y a des savants qui disent non. Ceux qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas majus, on n'a pas l'option de jizya pour eux. Soit qu'ils acceptent l'islam ou qu'on les combat. Il n'y a pas la troisième, il n'y a pas la troisième possibilité pour eux. Et eux ils disent donc les autres qui ne sont pas juifs, chrétiens ou majus ne sont pas inclus dans la jizya. Tandis qu'il y en a d'autres savants qui disent non, c'est général. La jizya, ça inclut tout le monde, même ceux qui sont pas, même ceux qui sont en dehors des juifs et des chrétiens et des majus, eux aussi peuvent payer la jizya, pas seulement les juifs, les chrétiens et les majus. Ça, c'est une divergence d'opinion entre les ulama. Et si vous retournez au livre de tafsir du Coran, comme tafsir ibn Kathir, ou bien tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, ou la plupart des grands tafsirs qui sont connus parmi les tafsirs reconnus parmi les ulama, ils mentionnent cette question-là et ils mentionnent la divergence à ce sujet-là. Et ils expliquent ça. D'accord? Donc, ça c'est à ce sujet-là. Et ensuite, donc ça c'est le premier point. Et ça, en même temps, ça répond à ceux qui prétendent que dans l'islam, il y a la liberté de croyance. Et que tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut et peut accepter ce qu'il veut comme religion. Et que personne ne peut être appelé à quitter sa religion pour rentrer dans l'islam. Il y en a qui ont cette idée-là aujourd'hui que, comme ils disent par exemple, « Lakum dinukum waliyadin ». Ils mentionnent le verset « Lakum dinukum waliyadin » en voulant dire « À vous votre religion, à moi la mienne ». Ils mentionnent ce verset-là et ils pensent que ça justifie la liberté de croyance. La raison de la révélation de Surat Al-Kafirun, c'est ça? Ok. Le verset, premièrement, il y a une chose qui est importante à comprendre par rapport au tafsir du Coran. C'est que il y a des gens qui mélangent parfois entre le tafsir et les causes de la révélation d'un verset. Attends, on va allumer le micro parce que avec le bruit là, on n'entend pas. Donc, il y a des gens qui confondent entre la cause de la révélation d'un verset et la compréhension ou le tafsir du verset. Et les deux, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que les ulama ont écrit dans les tafsirs, dans les livres de tafsir, ils mentionnent souvent qu'est-ce qu'on appelle asbab al-nuzul, c'est-à-dire la cause pour laquelle le verset a été révélé. Et il y en a qui pensent que c'est ça le tafsir du verset. Et ça, c'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est pas correct de croire que la cause de la révélation d'un verset est son tafsir. Pourquoi? Parce que le fait qu'un verset soit révélé dans un contexte spécifique, pour une occasion spécifique, ou par rapport à un individu en particulier, ou à une occasion en particulier, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne vient pas limiter ou restreindre la compréhension de ce verset-là, à cette occasion-là, ou à cet événement-là seulement. Pourquoi? Parce que les ulama ont expliqué, en fait, il y a une règle à ce sujet-là, c'est que al-ibratu bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend en considération le sens général du verset et non pas la cause spécifique pour laquelle le verset a été révélé. Donc le sens général du verset est la précédence sur la cause de la révélation. D'accord? Et donc, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset « Qul ya ayyuha al-kafirun », les ulama ont expliqué que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikoun sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit « On va faire une entente ». Les mushrikoun ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Une année on va adorer Allah avec vous, puis l'autre année vous allez adorer avec nous nos idoles. Comme ça on va faire une année pour vous, une année pour nous ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, donc a révélé Surat al-Kafirun pour réfuter cette idée et pour faire comprendre qu'on ne pouvait pas faire de ce genre de compromis dans la religion d'Allah. Donc, c'est-à-dire, قُلْ dit au Muhammad, dit au mushrikun, au kuffar, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, ô vous qui avez rejeté la foi. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Parce que vous adorez les idoles, vous adorez des prophètes, vous adorez des anges, vous adorez des statues, des images. Et moi, et nous les musulmans, on adore Allah seul. Donc moi, j'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et moi, je ne vais pas adorer non plus ce que vous adorez. À vous, votre religion qui est fausse, puisque vous adorez autre que Allah. et à moi ma religion, qui est la religion de vérité, qui est la religion d'islam, puisque j'adore Allah seul et je n'associe rien avec lui. Donc c'est comme si dans cette sourate, il y a un genre de désaveu. Un genre de désaveu des mouchriquines et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'implication de cette sourate. Et donc ça c'est pour expliquer en fait que il n'y a pas cette notion là dans l'islam de dire chacun il a sa propre croyance, il croit en qu'est-ce qu'il veut, il accepte qu'est-ce qu'il veut, que ce soit vrai ou faux. Non. Chaque individu, chaque être humain est ordonné de croire en son créateur, de l'adorer lui seul et de ne rien associer avec lui lorsqu'il l'adore. De ne pas passer par des intermédiaires entre lui et Allah, mais d'adorer Allah seul et unique directement, sans passer par un prophète ou un ange ou un saint ou une image ou une statue ou une idole ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est un point fondamental et très important par rapport à qu'est-ce qu'on a expliqué. Le deuxième point, le cheikh il dit الثاني لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم ولكن المسلمون لا يقدرون على لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم لا بأس من المهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم وإذا طلبوا من وإذا طلبوهم المهادنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فيهادنون ولكن ليس هدنة دائمة وإنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من مصلحة. Donc le cheikh il a dit il n'y a aucun tort ou il n'y a aucun mal pour que les musulmans par exemple prennent une entente de paix avec les kuffars lorsque cela est nécessaire. Ça c'est lorsque les musulmans ont besoin de prendre une entente de paix ou une trêve, de faire une trêve avec les kuffars. Dans le sens que si les musulmans sont dans l'incapacité de les affronter et qu'ils ne sont pas capables, ou que les musulmans craignent un mal de leur part, il n'y a aucun mal dans ce cas-là pour que les musulmans fassent une trêve jusqu'à ce qu'ils soient aptes et qu'ils soient capables de les affronter. Ou bien, dans le cas contraire, lorsque les koufars eux-mêmes demandent aux musulmans de faire une trêve avec eux. Lorsque les koufars demandent aux musulmans de faire une trêve avec eux, comme il le mentionne dans le verset 61 dans sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa in janahu lis-silmi fajnah laha. C'est-à-dire, s'ils penchent vers la paix, alors penche avec eux vers la paix toi aussi. Donc dans ce cas-là, on va faire une trêve avec eux, mais bien entendu ce sera une trêve temporaire, hein, qui aura un terme. C'est pas une trêve permanente ou perpétuelle, jusqu'à ce que le dirigeant musulman décide que ce soit dans l'intérêt des musulmans que cette trêve dure ou termine. Dans ce cas-là, ils vont mettre fin ou continuer la trêve en question. Le cheikh il dit الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين لا مانع أن يكافئوا على إحسانهم. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc le troisième point, le cheikh il dit il n'y a aucun mal à ce que, il y a rien qui empêche à ce que les musulmans remettent aux koufars un bien quelconque qu'ils ont reçu de leur part. C'est-à-dire, si les koufars ils t'ont fait du bien, tu as le droit de leur remettre le bien qu'ils t'ont fait. Hein, puisqu'ils ont bien agi envers toi, ils t'ont bien traité, donc toi tu leur remets le bien qu'ils t'ont fait. Ça c'est correct et il n'y a rien qui empêche ça. Hein? Donc malgré que yani ce soit des koufars ou des mouchriquines, il n'y a rien qui empêche que s'ils te font un bien quelconque, toi tu leur remettes et tu agisses bien envers eux, toi aussi. Et il mentionne le verset 8 dans Surat al-Mumtahana à ce sujet-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous empêche pas d'être bon et d'être juste envers les koufars et les mouchriquines qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de votre demeure à cause de votre religion. Donc du moment qu'eux ils ont été corrects envers nous, nous on est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala d'être à notre tour correct envers eux et de bien les traiter, de les traiter avec bonté. Hein, et d'être juste envers eux. Donc ça c'est le verset 8 dans Surat Al-Mumtahana qui mentionne ce point-là. Puis juste après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes Allah aime les justes. Certes Allah aime les justes. Donc ça c'est important, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala aime la justice et il déteste l'injustice. Ok, ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره ولكنه لا يطيعه في الكفر لقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. Donc le cheikh explique que quatrièmement, par rapport aux kuffar et aux mushrikin, si quelqu'un est musulman puis que son père est un mushrik ou un kafir, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si quelqu'un est musulman, son père est un mushrik ou un kafir, il est obligatoire pour l'enfant musulman ou le fils ou la fille de ce kafir ou de ce mushrik d'être bon envers son père. C'est-à-dire, si ta mère n'est pas musulmane ou ton père n'est pas musulman, c'est obligatoire pour toi, même si toi t'es musulman et tes parents sont pas musulmans, c'est obligatoire pour toi d'être bon envers eux et de les obéir dans le bien et d'être correct avec eux. Hein? Mais, par contre, tu vas pas leur obéir dans le kufr. Tu vas pas leur obéir dans la mécréance. Et tu vas pas non plus leur obéir dans qu'est-ce qui est désobéissance à Allah. Si tes parents t'ordonnent de faire un péché ou d'associer avec lui dans l'adoration, de faire un acte de shirk ou de kufr, dans ce cas-là, tu vas pas obéir à tes parents dans ces choses-là. D'accord? Et il mentionne les versets 14 à 15 qui prouvent ce point-là. Les points 14 à 15, dans lesquels, dans Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et on a enjoint à l'homme de faire preuve de bonté envers ses deux parents. Sa mère l'a porté peine après peine et également l'a nourri de son sein pendant 2 ans. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, sois reconnaissant envers moi et envers tes deux parents et c'est vers moi que tu vas revenir. Puis si Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, et si il te force d'une manière quelconque à associer quelque chose, il y en est dans l'adoration avec moi, il te force à faire du shirk avec moi, alors dans ce cas-là, ils veulent que tu associes avec moi quelque chose dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Et tes parents, ils t'ordonnent de faire le shirk, ils te demandent d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans l'adoration dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas dans ces choses-là. Hein? Fala tuti'huma. Donc ça c'est pour expliquer que dans l'islam, on est obligé d'ordonner, on est obligé d'obéir à nos parents. On est obligé d'obéir à nos pères et mères. Mais quand nos parents nous ordonnent de désobéir à Allah, on n'a pas le droit d'obéir dans ça. C'est-à-dire, si ton père il te demande de faire quelque chose qui est haram, t'as pas le droit d'obéir. Si c'est kouf ou shirk, encore pire. Et si c'est qu'est-ce que tes parents te demandent de faire, c'est un kufr ou un shirk, ça c'est encore plus interdit de les obéir dans ce genre de choses-là. Donc c'est pas une obéissance absolue à tes parents, c'est une obéissance conditionnelle. Conditionnelle dans le sens que si cette obéissance-là est contraire à l'islam, tu n'as pas le droit de leur obéir. Et ça c'est en général pour toutes les créatures. C'est-à-dire que peu importe qui cette créature-là peut être, que ce soit ton père ou ta mère, ou que ce soit ton patron au travail, ou que ce soit ton mari pour une femme, si elle est mariée, son mari, il lui ordonne de faire quelque chose haram, elle n'a pas le droit d'obéir. Ou bien si c'est le chef de l'État et il ordonne de désobéir à Allah, on n'a pas le droit d'obéir au chef de l'État dans qu'est-ce qui est haram. D'accord ? Malgré que dans le reste des affaires de la vie, on obéit dans qu'est-ce qui est permis, dans qu'est-ce qui est bien. D'accord ? Et le cheikh il dit ensuite, Al-walid lahu haqq wa in kana kafiran. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset il dit, et sois un bon compagnon envers les deux, c'est-à-dire envers ton père et ta mère dans cette dunya, et suis la voie de ceux qui se repentent à moi. Donc il dit ensuite que il dit al-walid lahu haqq wa in kana kafiran walakin la tuhibbu al-mahabbat al-qalbiyya bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi lak وأنه والد لا أنه والد وله حق تكافئه على ذلك. Donc le cheikh il dit que donc ton père il a un droit sur toi, ta mère elle a un droit sur toi, même si ton père et ta mère sont des kuffars, ils ont un droit sur toi. Toutefois tu dois pas les aimer de l'amour du cœur comme on aime le mu'min, parce que ce sont des mushrikines. Donc tu les aimes, c'est un amour naturel. Hein, parce que ça fait partie de ce qui est instinctif en l'homme d'aimer ses parents. C'est pas un amour qui est relié avec la religion ou la foi. Hein. Tu les aimes dans le sens qu'ils t'ont bien éduqué, ils ont fait beaucoup d'efforts pour toi dans ton éducation. Ils ont un droit sur toi dans ces choses-là. Donc toi, tu leur remets le bien qu'ils t'ont fait. Donc ça c'est par rapport à ce point-là, ça c'est très important de le comprendre. Ensuite, le point numéro 5, al-khamis. Khamisan tabadul tijara ma'ahum wa shira minhum. Shira'ul hajat minhum wa istiradul bada'i' wal asliha minhum bis-saman la ba'sa bidhalik. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار وكذلك عامل أهل خيبر عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها وليس هذا من الموالاة والمحبة وإنما هو تبادل المصالح يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة. Donc le cheikh explique que, comme cinquième point, et ça c'est une choubha souvent qui revient de la part des gens qui appellent au takfir ou qui appellent à toutes sortes d'idées des hizbiyah, des gens de hizbiyah, comme les Ikhwan et d'autres, ils regardent qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans par rapport aux ententes internationales entre les pays musulmans et les pays kuffars et les échanges économiques. Et ils disent, ah regardez, un tel pays musulman, il fait des affaires économiques avec un autre tel pays kafir. Hein? Et ils disent ça, ils prennent ça comme étant une forme d'allégeance, ou une forme de wala, d'amour. Et ils disent, oh regardez, tel pays, il achète de tel pays, ou tel pays vend à tel pays, et ils font des échanges économiques entre eux. Alors eux ils disent ça c'est une forme de mu'alat. Et il y en a même qui vont aller jusqu'à déclarer ces pays-là comme étant des pays mécréants à cause de ça, alors que ce sont des échanges économiques et commerciaux qui sont permis en islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'il n'y a rien dans l'islam qui interdit ce genre de transactions, hein, entre les musulmans et les non-musulmans. Hein? Et il y en a qui appellent, comme vous savez, vous avez sûrement entendu parler de ça, les gens qui appellent au boycott de certains produits, hein, qui disent il faut pas acheter de tel pays, il faut pas acheter de tel pays, des choses de ce genre. Et les marchandises qui sont achetées ou vendues de la part des musulmans ou des koufars, ce sont des marchandises halal. Tant que ce sont des marchandises halal, il y a rien qui interdit de le faire. Hein? Et souvent, vous allez voir ces gens-là qui appellent au boycott, ils réalisent pas, comme les ulama, ils ont fait des fatwas à ce sujet-là. Ils ont dit que c'est permis pour un musulman d'acheter ces marchandises-là, et que ils ont dit que si un dirigeant d'un pays lui décide que on n'a pas le droit d'acheter de ce pays-là, d'un pays quelconque, dans ce cas-là, tous les musulmans sont obligés de s'abstenir de l'acheter. Mais si le dirigeant ne l'a pas interdit ou n'a pas dit « vous ne pouvez pas acheter de tel ou tel pays », dans ce cas-là, on ne peut pas l'interdire. Hein? Sauf si, par exemple, toi, personnellement, tu décides par ton choix personnel de pas vous, que tu ne veux pas en acheter, tu as le droit de ne pas en acheter, mais tu ne peux pas l'interdire aux autres. Et puis aussi, comme il y a un cheikh qui expliquait une fois dans une conférence qu'il donnait justement à ce sujet-là, il expliquait qu'en général, quand il y a un boycott, c'est les pays riches, les pays puissants, qui boycottent les pays pauvres, et pas le contraire. Parce que le pays pauvre, il a besoin de qu'est-ce que produisent les pays riches. Donc s'il les boycotte, il se fait du mal à lui-même, il se fait du tort à lui-même. Hein? Donc, le fait d'appeler au boycott, en réalité, c'est de se faire du tort à soi-même ou à nous-mêmes en tant que musulmans, puisque on a besoin, d'une certaine façon, en ce moment, on a besoin de ce que certains dans ces pays-là produisent. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a rien qui interdit de le faire. Et comme le cheikh, il explique ici, il dit que le fait de faire des échanges commerciaux avec les koufars, d'acheter d'eux et de vendre d'eux, de faire importer des marchandises de leur pays, ou même des armes, parfois, hein, quand c'est acheté entre États, donc il n'y a pas de problème de le faire, tant que c'est acheté avec de l'argent, dans ce cas-là, on appelle ça yani tabadul al-masalih, c'est-à-dire on échange des intérêts, on échange de l'argent pour des produits, ça c'est permis, il n'y a rien qui interdit ça. C'est pas comme si on est en train de leur faire de la charité. Il y en a qui interprètent ça des fois, quand ils en parlent, on dirait qu'ils parlent comme si on est en train de leur donner de l'argent. On est en train de donner de l'argent, mais en échange de quelque chose, en échange d'un produit. C'est pas comme si on donnait comme ça de l'argent en sadaqa. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interagi de cette manière-là avec les koufars à son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même employé les juifs de Khaybar, hein, pour qu'ils cultivent la terre pour eux et qu'ils donnent aux musulmans la part qui sort, yani, de la terre, de qu'est-ce qui a poussé dans les récoltes aux musulmans. Donc ils travaillaient comme employés pour les musulmans. Et il dit ça rentre pas dans qu'est-ce qu'on appelle al-mu'alat ou bien al-mahabba, qu'on appelle l'amour par rapport à la religion ou le fait de prendre pour allier des gens par rapport à leur religion. C'est uniquement le fait d'échanger des intérêts. Et donc, il est obligatoire pour nous de connaître ces choses-là, hein, et de savoir que ça ne rentre pas dans les formes d'interaction qui sont interdites en islam. Et ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle al-mu'alat, ça par rapport de prendre les koufars pour allier. Il dit « Kadhalika al-istidanatu minhum » النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود طعاما ورهن درعه عنده ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله لا مانع من هذا لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة نهائية لا هذا يعني هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même pris une dette de la part des juifs et des chrétiens. Donc on a le droit d'emprunter de l'argent à des juifs et à des chrétiens ou à des koufars et à des mushrikines. On a le droit même de leur emprunter de l'argent, bien entendu, à condition que ça n'implique pas quelque chose de haram. Hein, comme par exemple, si tu vas emprunter de l'argent avec riba, là c'est haram à cause du riba, mais pas parce que ce sont des koufars ou des mouchriquins ou des juifs ou des chrétiens. Donc si tu veux emprunter de l'argent à un juif ou à un chrétien ou à un autre, un athée ou un adorateur d'idoles, tu lui empruntes une somme d'argent et tu lui dis je te remets cet argent-là après telle période de temps, puis qu'il te dit je te le prête et il ne te charge pas de riba, il n'y a aucun problème dans ce cas-là d'emprunter de l'argent au koufar. Et il dit même qu'à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même fait un prêt sur gage à un juif. Un prêt sur gage, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi tu as quelque chose qui a une valeur, tu le donnes à quelqu'un pour qu'il en échange d'une somme d'argent, quand il te remet, quand tu lui remets l'argent, lui il te remet ton gage. Hein, c'est comme s'il gardait quelque chose en sa possession qui aurait cette valeur-là en attendant pour être sûr que tu vas remettre l'argent. Hein. Donc c'est ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bouclier, il l'avait laissé en gage à un juif. Et lorsqu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce bouclier était resté même en la possession de ce juif, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait emprunté de lui une somme d'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille, hein, pour ses femmes. Donc ça prouve que c'est permis de le faire et qu'il n'y a rien dans l'islam qui interdit ce genre de transactions et ce genre de choses, parce que ce sont des interactions qui ont rapport avec la dunya, ça n'a pas rapport avec la religion. Hein, ça ne veut pas dire que tu les aimes pour leur croyance ou pour leur mécréance ou pour leur shirk ou leur égarement. Hein, il n'y a rien qui indique cet amour-là dans les cœurs. Donc il faut distinguer entre le fait de les aimer pour la religion, c'est-à-dire de les aimer pour la religion et pour qu'est-ce qu'ils croient comme croyances qui sont fausses, et de faire des interactions avec eux dans des choses de la dunya qui n'ont aucun rapport avec la religion. Il y a une différence entre demander et emprunter. Si quelqu'un va demander de l'argent à quelqu'un, c'est sûr que ça c'est déconseillé dans l'islam. On n'a pas le droit, c'est quelque chose qui est, comme on dit, détestable de demander à quelqu'un, quoi que ce soit dans la religion. Hein, il y a certains sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris une allégeance avec eux. Et parmi les conditions de cette allégeance, c'est qu'ils n'allaient rien demander à rien du tout à personne. Et parmi eux, il y avait Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Et ils respectaient ça à un tel point que si l'un d'entre eux montait sur sa monture, son chameau par exemple, et qu'il échappait son fouet ou son bâton pour faire avancer l'animal, il demandait même pas à quelqu'un de lui ramasser. Tu vois? Parce qu'il ne voulait rien demander à personne. D'accord? Donc, demander, c'est quelque chose, mais emprunter, il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal, et ce n'est pas considéré comme étant la même catégorie. Et celui qui prête de l'argent, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il prête de l'argent à cette personne, surtout lorsque cette personne-là est en difficulté et qu'elle lui prête. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les récompenses pour avoir prêté cet argent-là à cette personne qui avait le besoin. Qu'un kafir, c'est-à-dire, c'est sûr que les deux sont permis. Si tu demandes à un musulman, c'est plus facile puisque c'est ton frère en islam. Mais si dans une certaine circonstance, tu demandes à un mushrik ou un kafir ou à quelqu'un d'autre, c'est pas interdit de le faire. Et des fois, tu trouves pas un musulman qui est capable de te prêter. Des fois, si supposons tous les musulmans que tu connais autour de toi sont dans la difficulté eux aussi et qui sont pas en mesure de te prêter, donc dans ce cas-là, y a rien de mal d'aller demander à un juif ou à un kafir ou à un autre. C'est ça. Exactement. Donc en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre les règles de l'islam pour montrer que y a rien qui nous interdit de faire ça. Barakallahu fik. D'emprunter, demander de l'aide s'il y a des conditions. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à des gens de demander dans certaines circonstances bien spécifiques. Comme la personne qui, comme on a mentionné dans le cours passé, la personne qui a été la cause d'un accident, qui a tué quelqu'un accidentellement et qu'il a payé le prix de sang pour la vie de cette personne, dans des cas comme ça, il aura le droit de mendier. Et en général, comme j'ai vu, qu'est-ce qui se passe dans certains pays musulmans, c'est l'État qui va lui remettre un papier, justement, qui va montrer qu'il a le droit de demander. Donc, c'est pas n'importe qui peut juste aller devant les gens demander de l'argent comme ça. C'est, il faut qu'il y ait des raisons valables. Il faut que ce soit justifié. Parce qu'il y a des menaces sévères au sujet de, à ce sujet-là dans les hadiths, yani. Mais pour continuer sur le sujet par rapport à qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, donc c'est juste pour expliquer qu'il faut pas tomber dans des situations d'extrémisme et des exemples d'extrémisme de certains musulmans qui interprètent les choses d'une manière qui dépasse les limites du Coran et de la Sunna et qui vont même jusqu'à déclarer des états musulmans comme étant des koufars parce qu'ils ont des interactions avec des pays non musulmans. Hein, comme par exemple, il y en a qui vont dire, ah, tel pays musulman, il fait des affaires avec des pays de koufars comme les Américains. Et ils vendent du pétrole aux Américains. Ou ils font telle affaire avec la France, ou bien avec l'Allemagne, ou bien avec un autre pays. Ils vont dire, ah, ça c'est des hypocrites, ou des choses comme ça. On n'a pas le droit de dire ça par rapport à des interactions économiques, puisque c'est permis dans l'islam. C'est moubah, yani. Hein? Et souvent, quand vous regardez les gens qui disent qui parlent de ces choses-là, souvent eux-mêmes, ils font pire que qu'est-ce que ces États-là ou ces chefs d'État sont en train de faire. Dans le sens que ils critiquent les dirigeants de certains pays ou bien les pays qui ont des relations économiques ou des interactions diplomatiques avec des pays koufars, alors que eux-mêmes, ils vivent parmi les koufars et ils ont donné leur serment d'allégeance pour prendre leur citoyenneté, alors qu'on sait que ça c'est haram, yani, dans l'islam, de prendre la citoyenneté. Un musulman va prendre la citoyenneté d'un pays qui est kafir, ça c'est haram dans l'islam. Hein? Et il vit parmi eux, et il mange avec eux, et il paye les taxes pour eux. Donc, ils vont dire, ah mais pourquoi les pays musulmans, ils achètent de ces pays-là, ils leur donnent de l'argent. Vous payez des taxes chaque année au pays des koufars, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec cet argent-là? Quand ils te voient avec une canette de Pepsi, ils vont dire, ah, tu donnes de l'argent à Israël, tu es en train d'acheter des armes pour eux. Chaque canette de Pepsi, c'est une balle pour tuer un Palestinien. Et là, tu lui dis, oui, mais toi, chaque année, tu payes des taxes à un gouvernement qui achète des armes et qui finance Israël. Donc, ça veut dire que tu es en train de les aider toi aussi. Donc, si tu vas juger les choses de cette manière-là, c'est la preuve que tu te contredis toi-même. Mais si tu reviens au texte du Coran et de la Sunna et que tu regardes qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, là tu vas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Hein? Et tu ne vas pas transgresser la limite d'Allah. Donc le cheikh, il dit justement à ce sujet-là, il dit, il faut distinguer entre les choses parce qu'il y en a des gens quand ils entendent les versets qui nous interdisent d'aimer les koufars ou qui nous ordonnent de détester les koufars, ils pensent que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir aucune forme d'interaction avec eux et ils pensent que ça veut dire qu'on doit absolument couper tous les liens et toutes les interactions avec eux. Et le cheikh, il dit non. Il faut délimiter ces choses-là selon les règles et les conditions de la charia, selon ce que les ulama ont expliqué dans leurs paroles, tirées des preuves qu'ils ont prises du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme point numéro 6, le cheikh il dit Abah Allah al-tazawuj min nisa ahl al-kitab bi shart an yakunna afifat fi a'radihinna. Donc, le cheikh, il dit comme sixième point que parmi les choses que Allah nous a permis également avec les koufars et les mouchriquins, c'est d'épouser les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les juives et les chrétiennes. À condition, bien sûr, qu'elles soient parmi les femmes chastes qui ont préservé leur honneur et qui n'ont pas fait d'actes de zina ou des choses de ce genre. Donc, c'est permis pour un musulman d'épouser une chrétienne ou une juive, à condition qu'elle soit chaste. C'est-à-dire une femme qui ne va pas à gauche et à droite avec des hommes et qui ne fréquente pas des hommes de manière illicite. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis aussi de manger la viande des gens du livre, c'est-à-dire de manger la viande les viandes égorgées par les juifs et les chrétiens. Ça veut dire que la viande halal dans l'islam, c'est si un musulman a égorgé une viande, elle est halal. Il l'a égorgée au nom d'Allah, elle est halal. Maintenant, si un juif a égorgé un animal, alors dans ce cas-là, elle est halal aussi. Et si c'est un chrétien qui l'a égorgé, elle est halal aussi. Ça, c'est la règle dans l'islam. Et c'est ça qui détermine si la viande elle est halal ou non, qu'elle soit égorgée par un juif, un musulman, un chrétien ou un musulman. Si elle est égorgée par un bouddhiste, c'est pas halal. Si elle est égorgée par un hindou, elle est pas halal. Si elle est égorgée par un athée, quelqu'un qui croit pas du tout en Dieu, elle est pas halal. Les seules viandes qui sont halal, c'est les viandes si elle est égorgée, à condition que ce soit égorgée par un musulman, un juif ou un chrétien. Franchement, la meilleure chose à faire, si tu veux éviter les doutes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. C'est-à-dire, laisse le doute vers ce qui ne te fait pas douter. Et il a dit également, al halal ubayyin wal haram ubayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Donc il y a des choses qui sont claires qui sont halal et il y a des choses qui sont claires qui sont haram, et entre les deux il y a des choses qui sont douteuses, hein, qui sont pas claires, disons. Alors toi tu prends par qu'est-ce qui est clair, et si tu penses que une situation ou quelque chose te met des doutes au sujet du fait que ça soit halal ou non, eh bien laisse la chose qui te fait douter. Achète de ceux que tu es certain que ce sont halal. En tout cas, ici là, par exemple, les abattoirs, je pense que, en tout cas, ici, il n'y a pas de frères qui travaillent à la boucherie, mais je sais qu'il y a des abattoirs où les frères qui ont des boucheries, ils font affaire avec ces abattoirs-là, et puis qu'ils vont soit eux-mêmes égorger là-bas, ou bien soit qu'il y a des gens là-bas qu'on connaît qui égorgent. Et on sait qu'il y a un bon nombre d'abattoirs où les musulmans peuvent aller égorger aussi. Mais en France, par contre, je sais pas, d'après ce que les frères m'avaient dit, c'est que, ouais, c'est comme si, là, tu parles, toi, de la certification, mais moi, je parle plus au niveau des abattoirs, par exemple, là, comment ça se passe. En principe, il n'y a pas de problème. Donc, là-bas, il faudrait trouver où sont les abattoirs, où on peut égorger les animaux à la méthode islamique. Si on les connaît, une fois qu'on sait quelle boucherie achète sa viande de ces abattoirs-là, là il y a un moyen quand même d'avoir confiance. C'est-à-dire, si tu connais le boucher personnellement, tu sais que c'est un bon musulman pratiquant. Parce que moi personnellement, je trouve que c'est important d'avoir confiance en la personne qui te vend la viande. Si tu le connais comme étant quelqu'un qui est un musulman pratiquant, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient à la mosquée régulièrement, donc c'est plus facile de lui faire confiance. Tandis que si c'est quelqu'un que tu l'as jamais vu prier, tu l'as jamais vu pratiquer quoi que ce soit de l'islam, il dit juste je suis musulman, il vend de la viande, il dit que c'est halal, mais t'as aucun signe qu'il y en ait de sa part que c'est un musulman qui pratique l'islam. Moi, dans ce cas, je me dis c'est douteux quand même par rapport à sa viande. Donc s'il ne craint pas Allah, c'est-à-dire s'il ne fait pas sa prière, et déjà ça prouve qu'il a un problème dans sa foi. Non, donc c'est ça. Moi je conseillerais plus aux frères à ce sujet-là. Donc, Allahu a'lam, pour la France c'est difficile, je ne peux pas dire pour la France, mais ici en tout cas je peux dire une chose, c'est que les frères, ils connaissent les boucheries où les gens sont sérieux, sont des gens connus dans la communauté, dans le sens que on sait que c'est des gens qui prient, que c'est des gens qui pratiquent l'islam. On sait à quel abattoir ils vont acheter leur viande. On sait que ce sont des gens qui égorgent vraiment. Donc on achète de là-bas, on fait confiance. Mais sinon, comme le frère a dit, qu'il y a toujours, c'est possible aussi d'acheter chez les juifs si on sait qu'eux aussi ils égorgent leurs animaux. Dans ce cas-là, c'est permis parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rendu halal. Mais toutefois, pour les chrétiens, ça c'est plus compliqué parce qu'on sait qu'eux, ils égorgent pas tout le temps. Donc il faut vérifier dans ces cas-là, tu sais, faire attention. Yani. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un autre point aussi qui est important par rapport à ça. Donc c'est que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre ces règles-là pour dire que le fait qu'on a le droit d'épouser ces femmes et qu'on a le droit de manger leur viande, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'avoir ces relations-là avec eux parce qu'ils ont des liens particuliers par rapport au fait qu'ils croient au livre précédent et aux prophètes et aux messagers précédents. Donc ils ont cette distinction-là par rapport aux autres koufars et aux autres mouchriquines qui, eux, n'ont pas reçu de livre. Par exemple, d'autres peuples qui n'ont pas reçu un livre de la part d'un messager précédent. Donc eux, les juifs et les chrétiens sont plus proches des musulmans que les autres. N'empêche que ce sont quand même des koufars et des mouchriquins. Et il y en a parmi les gens aujourd'hui qui n'ont pas compris ça et pensent que le fait qu'on ait le droit d'épouser leur femme, ça veut dire que ce sont des croyants. Et il faut faire la distinction entre le fait d'avoir le droit d'épouser leur femme et le fait de les considérer comme étant des croyants, puisque cette relation qu'il y a entre l'homme et sa femme, hein, lorsqu'il va épouser une chrétienne ou une juive, ça c'est quelque chose qui a rapport avec une interaction, le fait qu'il se marie avec elle. Il l'aime parce que c'est une femme et parce que c'est sa femme à lui et qu'il a des enfants avec elle, mais pas par rapport à sa fausse religion ou à sa fausse croyance, dans le sens qu'il sait que cette femme c'est une mushrika, c'est une kafira, elle rejette la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou la foi en le Coran, ou elle associe avec Allah subhanahu wa ta'ala Isa ibn Maryam et elle croit que c'est le fils de Dieu ou que c'est Dieu incarné, ou elle prie devant une croix ou devant une image ou devant une statue. Ça, il le déteste pour ça. Il le déteste, il déteste cette femme quand elle, par rapport à ça, par rapport à cette croyance-là et à cette fausse pratique religieuse-là. Mais il va quand même agir avec elle, avec respect, de façon correcte, et en même temps, il va essayer de l'inviter à l'islam et de l'appeler à l'islam pour qu'elle se convertisse à l'islam et pour que ses enfants soient élevés dans l'islam. Et il y a des ulama qui ont mentionné comme condition, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils ont mentionné aussi comme condition que pour qu'un homme musulman épouse une femme non musulmane, il faut qu'il soit dans un pays où le pouvoir est musulman. Pourquoi? Parce que comme ça, si jamais il y a un divorce ou si jamais il y a un conflit entre l'homme et la femme, les enfants ne vont pas être entre les mains des chrétiens. Ils vont rester entre les mains des musulmans. C'est les musulmans qui vont qui vont avoir la garde des enfants. Et ici, on a vu des cas où les musulmans ont eu des enfants avec des femmes non musulmanes et où la mère a eu la garde des enfants, puis elle était chrétienne par exemple, ou juive ou autre, et c'est la mère qui a eu le droit de la garde, et les enfants sont complètement élevés dans le shirk et le kufr par la suite. Parce que dans ce pays, c'est comme ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça, c'est des conséquences qu'il faut prendre toujours en considération. Alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit n'épousez pas les femmes associatrices, wala tunkihu al-mushrikati hatta yu'min, ça c'est par rapport aux femmes qui sont comme par exemple les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient partie de Quraysh, qui faisaient partie des mushrikines, qui adoraient des idoles, et également des autres femmes qui font pas partie des juifs et des chrétiens. Mais les femmes chrétiennes, c'est sûr, ce sont des mouchriquates, mais elles rentrent, mais elles rentrent dans une catégorie qui a une exception. Hein? Comme on a dit, les femmes des gens du livre, eux, ils sont des mouchriquounes, mais ils sont des koufars et des mouchriquounes, mais ils ont une exception dans le fait qu'ils ont reçu des livres et des messagers, donc ils sont plus proches des musulmans, et donc on espère plus d'eux qu'ils se convertissent à l'islam que d'autres parmi les mouchriquins qui n'ont pas reçu de livres et qui n'ont pas cru en les messagers. Ensuite, le cheikh il dit سابعاً لا بأس بإجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'y a aucun mal de répondre à leurs invitations s'ils nous invitent et de manger leur nourriture qui est licite, comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a fait à son époque. ثامناً الإحسان إلى الجيران من الكفار لأن لهم حق الجوار. Donc le fait qu'on a le droit d'être bon envers les voisins qui sont kuffars, parce qu'ils ont un droit sur nous du fait qu'ils sont nos voisins. Donc, même si tu as des voisins qui ne sont pas musulmans, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont des kuffars tu dois être bête avec eux ou leur donner leurs droits. Non. Hein, même si ce sont des kuffars, tu dois leur donner leurs droits et être correct envers eux. تاسعا لا يجوز ظلمهم قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم وعليكم السلام ورحمة الله على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc le cheikh il dit comme 9e point, il dit il n'est pas permis de leur faire de l'injustice. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 8 dans Surat Al-Ma'idah que yani, la haine que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas ou ne vous amène pas à, yani, être, à ne pas être juste envers eux. Et il dit ensuite, soyez juste, c'est plus proche de la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être juste envers, même envers les mouchriquins et les koufars. Hein? Donc c'est pas parce qu'ils sont des koufars qu'on a le droit de les traiter de n'importe quelle manière et d'agir n'importe comment avec eux. Donc ça c'est en ce qui concerne les exceptions par rapport, alaykoum salam, par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec le traitement des koufars et des mouchriquins et comment on doit agir envers eux. Il faut pas mélanger les choses, ok? Il ne faut pas mélanger les choses ou penser que parce que Allah nous ordonne de les détester par rapport à leur mécréance, que ça implique de notre part qu'on doit être injuste envers eux et les traiter incorrectement. Ça, c'est une mauvaise compréhension qu'ont certains parmi les jeunes aujourd'hui qui sont tombés dans différentes formes d'extrémisme à cause de leur ignorance de l'islam et des règles de l'islam. Mais en même temps aussi, il faut pas tomber dans l'autre extrême du laxisme, comme on l'a dit, de ceux qui veulent dire « Ouais, c'est pas grave, il n'y a pas de différence entre les musulmans et les non-musulmans, entre les koufars et les musulmans et les mu'minines, on est tous pareils, on est tous des êtres humains, l'islam c'est la religion de l'amour, l'islam c'est la religion de la paix, on accepte tout, on laisse tout faire, tout le monde peut faire ce qu'il veut, il y a des limites. » C'est pas correct de penser comme ça. Il faut pas tomber dans un extrême, mais il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Puis commencer à jouer avec la religion comme si ça n'avait pas d'importance, comme les soufis par exemple qui parlent tout le temps d'amour puis qui contredisent les principes et les règles les règles fondamentales de l'islam sur les questions de tawhid et les questions d'aqida, comme les questions de al-wala ou al-bara par exemple. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera la semaine prochaine pour ce cours-là. On va rentrer dans la troisième partie de l'introduction de Al-Usul al-Thalatha al-Hanifiyya, Millatu Ibrahim. Ça va être expliqué qu'est-ce que c'est al-Hanifiyya et que c'est la religion d'Abraham. Puis en même temps, on va clarifier que la religion d'Abraham, c'est pas comme certains le prétendent aujourd'hui, comme les trois religions abrahamiques, comme ils disent. Le judaïsme, l'islam et le christianisme, ils pensent que ces trois religions-là ont un lien avec Abraham. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie ça dans le Coran, il dit ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Donc Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un musulman pur, hein, qui se détourne des idolâtres et des idoles et qui se tourne uniquement vers Allah, et il n'était pas du nombre des mouchriquins qui font le shirk. Donc les juifs et les chrétiens ne peuvent pas prétendre aucun rapport, aucun lien avec Ibrahim alayhi salam, puisque leur religion s'oppose à la religion d'Abraham et que Abraham était venu avant eux, avant la Torah et avant l'Injil, hein, et que eux ils sont venus après lui puis ils l'ont contredit, tandis que le Coran est venu en accord avec ce qu'ils ont, ce que Ibrahim a amené. Donc tu voulais dire quelque chose? Ben, dans ce cas-là, je vais conclure le cours puis après tu peux finir. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.